mettez votre casque. Sur les bancs. Sur les bancs. Sur les bancs. Ici, vous serez bien. Sur les bancs. Sur les bancs. Asseyez-vous. Asseyez-vous. Écoutez. Prenez place. Sur les bancs. Écoutez. Installez-vous. Mettez votre casque. Votre casque. Fleuve rouge, d'Hélène Frappa. Tu sens les cerisiers en fleurs. Ton odeur donne envie de danser. Au printemps, je t'emmènerai au Japon. Ici, la nuit est claire. Parfois, il pleut tendrement. Mais d'abord, on reviendra sous l'arbre, sur ce banc. Moi, je reste là. Je ne voyage pas. Mes feuilles absorbent vos pensées. Le vent n'y peut rien. Pas envie de voyager. Quand mes feuilles tombent, la terre se gorge de secrets. Vos secrets nourrissent mes racines. Pas envie de naître. Tu vas naître en septembre, quand les arbres se tachent de sang. Three Blood, Red River. Ici, on parle toutes les langues. Once there was a tree outside my window. Once there was a tree many moons ago. Un jour, des enfants jouaient à cache-cache. 1, 2, 3, 4, 5. À la fermeture du parc, ils sont rentrés chez eux, en oubliant le petit qui comptait derrière mon tronc. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vous êtes où ? Ouais, vous êtes où ? Quand j'étais petite, vous êtes où ? Je me suis fait enfermer dans un parc. Toute la nuit, j'ai écouté les animaux et les insectes. Parfois, une aile invisible me frôlait. Je me suis endormie à l'aube, contre le marronnier où le gardien m'a trouvée. Je ne veux pas rentrer à la maison. J'ai essayé de faire pousser des arbres dans ma chambre, de planter des racines dans les murs, des nuages au plafond. Mais les murs repoussent, le plafond résiste. Je veux pas rentrer à la maison. Je veux pas rentrer à la maison. Après ça, mes parents m'ont interdit le parc. Ils disaient qu'on doit se méfier du vent et des arbres. Tu t'ennuyais ? J'observais les signaux des arbres par la fenêtre. J'attendais une porte entrouverte pour m'enfuir. Mes racines sont les bras d'un fleuve. Elles se jettent dans le delta du tronc jusqu'au ciel. Et la source ? Le fleuve, où il commence ? Sous les trottoirs que tu foules pour venir au parc, sous les fondations de ta maison, sous les grilles d'où l'eau jaillit au bord des trottoirs, sous la cour de l'école. Les trottoirs sont vivants, ils respirent, les rues pleurent. C'est notre ville invisible. Sea Tree ? Blue River. Je vais nager dans le fleuve, remonter jusqu'aux branches. De jour, de nuit, qu'avec l'arbre je me confonde. Je vais te laisser dans le parc, dans le fleuve. Chaque matin, je reviendrai sur le banc. De jour, de nuit, qu'avec l'arbre tu te confondes. Once there was a tree. Once there was a tree. Outside my window. Outside my window. Once there was a tree. Many moons ago. C'était Fleuve Rouge d'Hélène Frappa avec Nathalie Janet, Violaine Schwartz, Paya Majlessi et les voix de Irène et Léonard Chassin. Prise de son, montage et mixage, Cécile Braque et Jason Taus. Assistant à la réalisation, Félix Levacher et Clémence Grosse. Réalisation, Laurence Courtois.